Voilà. Je suis ravi de vous voir tous ce soir. Mais finalement, vous êtes assez nombreux à vous réunir pour ces jeudis de la foi. On n'est pas en petit comité, c'est formidable. Alors, je ne sais pas si vous venez plus pour la louange, plus pour l'enseignement, plus pour l'adoration. En tout cas, vous êtes là. Alors maintenant, c'est le parti d'enseignement. Tout le monde m'entend bien, ça va? Alors, j'espère que vous êtes bien dans l'Esprit Saint, parce qu'il va en falloir, là, pour l'enseignement. Vous savez, depuis le début de l'année, nous parlons de l'Eucharistie. Hein, l'Eucharistie, la messe. Et donc, depuis le début de l'année, j'ai commencé à développer, à expliquer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me rafraîchir la mémoire sur ce que je vous ai dit, sur l'Eucharistie. Quel était d'abord un sacrifice? Hein, quelle était. Non, d'abord une présence, la présence de Jésus parmi nous, dans le pain consacré qui devient Jésus, et dans le vin consacré qui devient le sang de Jésus, hein, le corps et le sang de Jésus. C'est la première chose primordiale. Et ensuite, ce Jésus vient, pourquoi? Ben pour s'offrir en sacrifice. Il s'offre au Père, il donne sa vie par amour pour nous et pour payer nos péchés. Et puis ensuite, il ne s'arrête pas là, il se donne en communion. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un sacrifice de communion. Donc nous mangeons le corps de Jésus et nous communions avec Dieu dans cette présence qui est là, dans ce sacrifice qui est fait à l'Eucharistie. Alors vous voyez, ça c'était les grandes lignes du départ pour bien remettre l'Eucharistie dans son contexte et bien qu'on comprenne ce qu'est l'Eucharistie. Et alors, le but de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on vive la messe le mieux possible. Parce que bien souvent, on vit la messe sans bien trop comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Hein, et même, il y a eu, pendant un certain temps, peut-être, plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, un peu des dérives, où on n'enseignait plus tellement, où on ne se souvenait plus tellement de ce qui se passait réellement à la messe. Et du coup, on venait, vous voyez, je n'ai pas parlé d'un repas fraternel. J'ai parlé d'un sacrifice. C'est pas la même chose, même s'il y a question de repas derrière, parce qu'on mange le corps de Jésus. Mais c'est d'abord le sacrifice de Jésus. Donc voilà, et tout ça, ça nous aide à vivre la messe. Le but de tout ça, c'est vraiment qu'on vive la messe tous ensemble, avec le cœur bien disposé, et que, à travers la messe, puisque c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne, à travers une messe vécue tous ensemble, bien que notre paroisse, notre communauté, chacun d'entre nous, eh bien nous puissions laisser l'Esprit Saint entrer dans nos vies et le répandre partout. C'est ça l'objectif. Revenir à la source, comprendre ce qui se passe. Alors le nom messe, vous vous souvenez d'où ça vient? Les plus anciens. D'où ça vient le mot messe? Ça vient du dernier mot de la messe, enfin quasiment l'avant-dernier mot de la messe, au moment où le prêtre se tournait à la fin de la messe, une fois qu'il avait donné la bénédiction, il disait ou il chantait "Ite missa est". C'était le seul endroit où on voyait le mot missa. Messe, ça vient de là. Qu'est-ce que ça veut dire "Ite missa"? Ça veut dire vous pouvez disposer. C'est ça que ça veut dire, hein. Hein, vous pouvez disposer, c'est bon, vous êtes disponible maintenant, allez-vous-en. Hein. Alors, c'est un petit peu réducteur quand même pour parler de l'Eucharistie, vous avez compris. Ce mot s'est imposé, mais en réalité, ce n'était pas comme ça qu'on appelait la messe au début. Au début, on l'appelait la fraction du pain. Hein, parce que c'est à cette fraction du pain que les disciples ont reconnu, hein, les premières fois que Jésus a fractionné le pain, ils ont reconnu. Ah, mais c'est Jésus qui est là. Quand il a fractionné le pain, vous vous souvenez, avec les pèlerins d'Emmaüs, ceux qui ont un peu de la mémoire, voilà, la fraction du pain. Et puis, très vite, vous voyez, on a vécu ça dans une grande action de grâce, donc on appelait ça l'Eucharistie, Eucharistein, et pas Eucharistein, parce que Eucharistein, c'est de l'allemand, Eucharistein, c'est du grec. Hein? Eh bien, l'Eucharistein, c'est l'action de grâce. Donc, on rend grâce au Seigneur. On rend grâce au Seigneur dans cette messe. Et puis, bien sûr, encore aujourd'hui, on appelle ça la divine liturgie en Orient. La divine liturgie, c'est une liturgie du ciel, liturgie divine. C'est-à-dire que ce n'est pas une liturgie faite par les hommes, c'est une liturgie qui est donnée par Dieu. C'est Dieu qui apprend, qui nous enseigne ce qu'est la messe et comment nous devons la vivre. Et puis, même pendant très longtemps, dans certaines églises, on ne dit pas la messe, on ne dit pas la divine liturgie, on ne dit pas l'Eucharistie, on ne dit pas la fraction du pain, on dit carrément la passion du Seigneur. On se rend à la passion. Et bien voilà, on voit qu'ils ont bien compris ce qui se passe à la messe. On va vivre la passion. Bien sûr, il n'y a pas que la passion, il y a aussi la résurrection de Jésus. Il y a tout ça dans la messe. Alors, je voudrais aujourd'hui essayer d'avancer un peu en partant des origines. Maintenant, vous voyez, le but, c'est de pouvoir suivre la messe en comprenant d'où viennent tous les gestes, tout ce qui se passe. Pour le comprendre, pour pouvoir mieux le vivre, le vivre personnellement. Alors, d'où vient la messe ? Quelles sont les origines, à votre avis, où est-ce qu'on a puisé pour établir les rites de la messe ? Tout simplement, voilà, dans le judaïsme, dans la liturgie juive. La première messe qui était célébrée par les apôtres, c'est très probablement le soir ou le lendemain de l'Ascension. Hein, quand Jésus disparaît, en tout cas très vite après, le dimanche suivant, ils ont célébré la messe. Ils ont célébré la première messe, et donc c'est la première fois qu'ils ont célébré cette messe que Jésus leur avait montrée, le jeudi saint. Donc, à ce moment-là, vous imaginez, ils avaient une conscience très très vive de ce qu'ils étaient en train de faire. C'était à peine il y a 40 jours, un peu plus de 40 jours, 43 jours. Donc, et puis pendant tout ce temps, Jésus a refait les gestes devant eux plusieurs fois. Donc c'était très vif. Donc ils ont commencé par refaire ces gestes, et Jésus lui-même, quand il a fait les gestes, il ne les a pas fait n'importe comment. Il a fait un soir bien précis, c'était le soir où il a organisé le Seder qui est le dernier repas, le repas de la Pâque, de Pessah, hein, la fête de Pâques juive. Donc tout était bien organisé par rapport à déjà une liturgie qui existait et que Jésus a accomplie. Donc vous imaginez, quand ils commencent à célébrer, les apôtres, sans pouvoir l'expliquer, ils savent qu'ils sont en train de vivre quelque chose de très fort. Ils savent que Jésus leur a demandé de faire ça en mémoire de lui, et donc, de manière très sensible probablement, ils sentent la présence de Jésus dans le pain et dans le vin. Et l'Esprit Saint leur donne de vivre l'Eucharistie à fond. Et il a dû se passer des choses extraordinaires. Et donc, très vite, la liturgie s'est accompagnée de grandes fêtes, festivités, des agapes qu'on faisait soit avant, soit après, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça se faisait au même endroit que là où on célébrait les messes. Puis la messe, j'imagine que ça ne se faisait pas en 3 minutes. Hein, il se préparait. Hein, il y avait tout un rituel qui s'était mis en place petit à petit pour vivre le moment de la fraction du pain de manière la plus intense. Alors, la manière de célébrer, ça devait être quand même très sobre, même s'il devait se passer beaucoup de choses, ça devait être très sobre, mais plein d'onction. Et on essayait de se réunir où on pouvait, à Jérusalem, caché parce qu'on était poursuivi, donc dans les plus grandes maisons des chrétiens. On allait chez les notables qui étaient déjà convertis, et il y en a eu un paquet hein, au début, beaucoup de notables qui se sont convertis, et donc ouvraient leur maison, et on allait chez eux pour célébrer la messe. Donc, ça dure à peu près, à mon avis, a priori, une bonne partie de la journée du jour du Seigneur, du dimanche. Et voilà. On distingue, bien sûr, la liturgie de la messe, la fraction du pain, des agapes, où on mange, on fait la fête, on fait le festin, après ou avant. Mais, apparemment, il y a eu certains moments où ça s'est un petit peu mélangé. Pour vous y donner un peu l'ambiance. Tant et si bien que Paul va reprendre les Corinthiens, ce qu'il apprend, que c'est le bazar. Il va les reprendre, il va leur faire comprendre que très vertement, et il va leur interdire même de célébrer la messe, en disant, ah, voilà, vous faites un peu n'importe quoi, il y a même des divisions pendant vos repas, et juste après, au milieu, vous célébrez l'Eucharistie, vous ne distinguez pas ce que vous faites, vous ne comprenez rien. Donc il leur dit, vous arrêtez. Voilà, tant qu'il n'y a pas une vraie communion entre les membres et que les choses ne sont pas claires. Alors bon, vous imaginez que les premiers apôtres, ben, qu'est-ce qu'ils sont ? Eux, ce sont des juifs pratiquants au départ. Donc, au départ, c'est la liturgie juive qui va complètement imprégner la manière de prier des premiers chrétiens. Ils prient comme des juifs. Ils sont juifs, Jésus est juif. Et donc, Jésus a prié, il a célébré toutes les fêtes juives, et donc il continue, au départ, il continue précisément de fêter toutes ces fêtes. La liturgie juive va servir de canevas, hein, de base pour l'élaboration des premières liturgies chrétiennes. Mais quand même, les chrétiens sentent aussi, ils ont une conscience très vive de tout ce qu'il y a de nouveau, même si c'est totalement en cohérence avec ce qu'il y a d'ancien, mais tout ce qu'il y a de nouveau dans le christianisme. Et ils sont pris par l'Esprit Saint qui leur donne une grande liberté aussi vis-à-vis de la loi. Non pas qu'ils n'en veulent plus de la loi, mais cet Esprit Saint leur permet d'accomplir la loi. Et donc, ils vont très vite se distinguer, les rites vont se distinguer très vite des rites juifs. Alors, simplement, je voudrais pour qu'on puisse vivre les choses et bien se rendre compte de, vous voyez, tout ce qu'on vit dans cette église, ça a ses origines juives et on le retrouve même encore dans les liturgies juives aujourd'hui. Je vais vous parler d'abord des lieux de la prière juive. Le premier lieu dont vous allez me parler tout de suite, c'est quoi ? Premier lieu où les juifs prient. Hein, qui vous vient à l'esprit, le temple de Jérusalem. Le temple, c'est le lieu, en fait, oui, effectivement, de la prière juive, mais où on fait un certain type de prière particulièrement, ce sont les sacrifices. Donc, le temple, il faut imaginer, une immense esplanade, temple de Jérusalem, il n'y en a qu'un seul, hein, de temple, il est à Jérusalem. On ne peut pas faire les sacrifices du temple ailleurs qu'au temple. Donc il faut venir au temple, ce qui veut dire que c'est vraiment réservé à ceux qui habitent pas loin, en Terre Sainte. 300 mètres par 400 mètres, l'esplanade du temple. Donc c'est gigantesque. Avec une partie même qui est accessible à tous, même les goyims. Les goyims, c'est nous. C'est les païens. Pour les juifs, ce sont des païens. Les gentils. Donc tout le monde a accès quasiment à l'ensemble de l'esplanade. Et puis dans l'esplanade, vous avez, derrière des grands murs, vous avez deux grandes cours, la cour des femmes et la cour des hommes. Donc les femmes, alors là c'est réservé aux femmes juives, elles entrent dans la cour pour prier. Sur l'esplanade, on prie, mais surtout on écoute des enseignements, on se met sous la colonnade à l'ombre pour écouter les rabbis qui expliquent. Et puis, les femmes entrent dans la cour des femmes et les hommes entrent dans la cour des hommes. Dans la cour des hommes, eh bien, il y a un autel, premier autel. C'est l'autel où, justement, on va faire les sacrifices. Sur cet autel, vous voyez, ce sont juste des murs, le toit est ouvert, et en permanence, il y a sur cet autel un brasier qui est allumé en permanence, même quand il pleut, on l'allume, on fait en sorte qu'il y ait toujours des braises, et on offre sur cet autel, au moins deux fois par jour, le matin et le soir, un holocauste. Et puis toute la journée, les gens viennent, les juifs viennent, et puis ils donnent aux prêtres les sacrifices qu'ils doivent faire. Alors on offre parfois des plantes, on offre aussi beaucoup d'animaux, bien sûr, avec toutes les prescriptions rituelles. Donc, quand on doit se faire pardonner de tel péché, on donne tel animal. Et ce sont les lévites qui préparent et qui donnent au prêtre qui fait l'offrande et qui dépose l'offrande sur le bois. Alors, je vous passe les types de sacrifices. Il y en a plusieurs différents. Mais l'holocauste, c'est celui le plus connu. C'est-à-dire, on prend toute la bête, Alors, on enlève le sang, et puis on va l'asperger ensuite sur l'autel, etc. Mais on prend toute la bête, on la prend, vous voyez, comme ça, et on la pose sur le feu. Ça, c'est l'offrande des holocaustes. Vous avez vu le prêtre à la messe, il prend le pain, il élève le pain, il dit une petite prière secrète, qu'on peut dire à voix haute, et puis simplement il dépose le pain sur la nappe, sur l'autel. Exactement, ça vient de là. Pareil pour le vin, on dépose. Donc tout ça, ça vient de cette liturgie-là. Au centre de la cour, derrière l'autel, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire. Donc on est chez les hommes, il y a l'autel des sacrifices, et derrière l'autel des sacrifices, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire. Le sanctuaire, il y a trois parties. Un vestibule, où les prêtres passent, où ils peuvent se changer, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le saint, S-A-I-N-T, le Hekal. Là, dans le saint, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une grande menorah, vous savez, ce chandelier à sept branches, qui rappelle le buisson ardent, toujours allumé. Vous savez, le buisson ardent où Dieu se révèle à Moïse. On reparlera de ça. Il est toujours allumé. Il y a une table en or sur laquelle on dépose des pains d'offrande, au nombre de 12. 12 comme les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que ces pains représentent les tribus d'Israël qui vont être offertes en sacrifice. C'est le pain pour Dieu. C'est normalement Dieu qui doit manger ce pain. En réalité, eh bien, ce sont les Lévites, ce sont les prêtres qui le mangent. On le change tous les jours. Je crois tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais plus. Bref. À côté, vous avez un autel sur lequel on fait brûler de l'encens deux fois par jour, le matin et le soir. C'est un autel en bois recouvert d'or. Et puis, dans le sanctuaire, bien sûr, il n'y a que les prêtres qui entrent. Donc c'est la famille des Kohanim, hein, les Kohen, les Kohanim, qui ont droit d'entrer dans ce sanctuaire. Ils sont vêtus de lin blanc, de lin fin, une ceinture de lin et une coiffe de lin, une tiare en lin. Plus des vêtements spécifiques, hein, ce qu'on appelle l'éphod, que le grand prêtre va porter. Et puis il y a une organisation très très précise des prêtres. Il y a les prêtres qui vont... ça s'organise de manière très précise. Chaque famille a son tour de service dans le temple. Voilà. Puis à l'intérieur du saint, donc du sanctuaire, vous avez un grand rideau. Et derrière ce rideau, il y a ce qu'on appelle le saint des saints. Le débir. Le débir. C'est le saint des saints... où seul le grand prêtre, il n'y en a qu'un, ça tourne, hein, c'est pas toujours le même, il n'y en a qu'un à chaque moment de l'histoire, il n'y en a qu'un, va pouvoir entrer. Voilà. Il entre, et derrière ce saint des saints, on trouvait, à l'époque de Jésus, il n'y en avait plus déjà, l'arche d'alliance sur laquelle se trouve une espèce de plateau, comme un couvercle en or massif, qu'on appelle le propitiatoire. Donc là, vous êtes à l'endroit suprême. C'est Stargate. Vous vous souvenez de Stargate ? C'est le point de contact avec le ciel. Là, c'est la demeure, c'est le trône de Dieu, ce propitiatoire sur l'arche d'alliance. Et précisément, il y a deux grandes statues en or de chérubins, donc des anges, qui ont leurs deux ailes qui recouvrent le propitiatoire. Et on dit qu'entre les deux ailes se trouve effectivement sur le propitiatoire ce qu'on appelle la Shekinah, la présence de Dieu. Shekinah, présence de Dieu. Alors voilà, ça c'est donc le grand prêtre, il n'entre là que très rarement. Hein, en particulier pour Kippour, le grand pardon, où il va asperger le propitiatoire et les deux ailes de sang. Et ensuite, il sort et il transmet le pardon de Dieu à tout le peuple qui est rassemblé. Ça, c'est le premier lieu, c'est le temple. Vous avez vu, le temple, c'est vraiment les sacrifices avec des autels. Vous avez un autel pour les sacrifices d'animaux et de plantes. Une autre table en or sur laquelle on pose le pain. Une autre table sur laquelle on pose l'encens. Et une autre table sur laquelle repose Dieu. C'est l'autel de Dieu. Toutes ces tables-là, elles sont résumées chez nous en un autel, celui que vous avez devant vous. Sur cet autel, on offre des sacrifices, on dépose le pain, on encense l'autel, et sur cet autel, il y a la présence de Dieu. Le jour où vous avez peut-être vu la consécration de l'autel de Notre-Dame, puisque c'était à la télévision, sur l'autel quand on consacre un autel, c'est pareil ici, vous voyez, on met de l'huile sainte, le saint crème, qui est utilisé le jour du baptême, qui est utilisé le jour où on est confirmé sur le baptême. Au baptême, on le met sur la tête. Le jour de la confirmation, on reçoit l'évêque fait une croix sur le front. Et puis, qui est utilisé pour consacrer les mains des prêtres et des évêques. C'est vraiment la présence de Dieu qui habite cette huile. Elle est répandue sur l'autel. Tout l'autel, toute la table de l'autel est complètement ointe de cette huile sainte. Et puis, vous avez cinq croix qui rappellent les cinq plaies de Jésus pour bien marqué que c'est le lieu où Jésus va s'offrir en sacrifice. Il va être donné, livré en sacrifice là. Et on allume des bougies, des flammes. En fait, on enflamme de l'encens sur les quatre coins de l'autel pour bien rappeler, oui, c'est vraiment le lieu des sacrifices, comme sur l'autel du temple où il y avait toujours du feu pour poser les sacrifices. Alors, tout ça vient, vous voyez, de la liturgie juive. Et ça doit nous faire voir l'autel d'une manière très, très forte, c'est-à-dire que cet autel représente vraiment la présence de Dieu pour nous. Ce n'est pas juste une table. Ce n'est pas une table pour un repas. Jamais on ne mange autour de l'autel de Jérusalem, du temple de Jérusalem. C'est le lieu, la présence de Dieu, le lieu du sacrifice de Jésus. On avait parlé aussi de la menorah avec les sept branches. Et bien, cette menorah, vous l'avez, alors ici, on a allumé deux chandeliers pour l'ostensoir, mais vous avez six lampes, six cierges, six chandeliers posés sur l'autel. Normalement, il en faut sept. Le septième, on ne le pose que lorsque c'est l'évêque qui célèbre la messe. Le 8 décembre, on avait sept cierges pour nous rappeler cette menorah. Alors, sur l'autel, attendez, je vais essayer de retrouver. Toc, toc. Voilà, les six cierges, parce que il faut que je me rappelle à chaque fois. Ces lampes, elles rappellent la création de la lumière. C'est le premier acte de création de Dieu. La lumière fut. La création des deux luminaires, le grand luminaire, le petit luminaire. Le grand luminaire pour le jour, le soleil. Le petit luminaire pour la nuit, la lune. Les deux chérubins qui gardent l'entrée du paradis et le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Voilà où je voulais en venir. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la croix pour nous. C'est ça, l'arbre de vie. Donc sur l'autel, ou tout près de l'autel, vous avez toujours une croix. Et les cierges sont là aussi pour garder, comme les chérubins, qui gardent le chemin vers l'arbre de vie. pour que seuls ceux qui sont disposés, prêts, qui se sont purifiés, s'approchent et puissent manger du fruit de l'arbre de vie, le pain de l'Eucharistie. Hein, vous voyez toutes ces symboliques là, hein, c'est pour qu'on comprenne bien ce qui se passe à la messe, voyez. Et puis bien sûr, ça rappelle ce buisson ardent où Dieu est présent. Alors, quand on expose le Saint-Sacrement, on met toujours au moins 2 cierges. Au moins 2 cierges pour rappeler le buisson ardent dans lequel Dieu est présent et parle à son peuple, hein, parle à Moïse. Donc c'est pour ça qu'on met toujours des chandeliers autour du Saint-Sacrement quand on expose le corps de Jésus. Ça, c'est pour la liturgie du sanctuaire du temple de Jérusalem. Le deuxième endroit où on prie chez les Juifs. Je regarde. On ne va pas tout faire aujourd'hui. Le deuxième endroit où on prie chez les Juifs. Jésus y va souvent. Il y va même pour enseigner. La synagogue. Eh oui. Alors la synagogue, ça n'existait pas jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé au 6e siècle? Pendant 70 ans, les Juifs ont été déportés de Jérusalem. Hein, Jérusalem a été assiégée par les Babyloniens. Nabucodonosor a pris la ville et il a déporté tous les Juifs. Enfin, pas tous. Mais surtout, il a saccagé le temple, il l'a détruit. Donc, on ne peut plus faire de sacrifice. Et alors, à Babylone, il y a un très beau psaume comme ça, au bord des fleuves de Babylone, « By the river of Babylon hein, ». Bon, nous étions là, nous pleurions, et puis nous souvenons de Sion, etc. Et en fait, à Babylone, les Juifs qui sont là vont chercher un moyen de continuer de prier et d'offrir quelque chose à Dieu. Et donc, ils vont inventer, ils vont découvrir, éclairés par le Seigneur, un autre moyen. Ils vont se rassembler et ils vont proclamer la Torah de manière solennelle. Donc, ils vont comme ça créer toute une liturgie où ils lisent les prophètes, ils lisent l'histoire du peuple et puis ils lisent la Torah. Et là, il y a toute une liturgie qui se met en place. Et voilà, les hommes se lèvent pendant la lecture de la Torah, ils se couvrent la tête et on écoute la Torah. Donc ça, c'est ce qui se passe à Babylone. Et quand les Juifs vont revenir à Jérusalem, eh bien, ils vont continuer ces rites qui vont continuer chaque semaine hein, à se retrouver à la synagogue, en particulier le jour de sabbat. Et là, donc, dans les villages, partout, vous avez des synagogues où les gens se réunissent pour écouter la Torah. Et puis vous avez le rabbi qui, assis sur son siège, commente la Torah, explique la Torah, fait les exhortations. Voilà. Alors, à cette époque, donc, je reviens. Voilà. Dans cette synagogue, le mot synagogue, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire assemblée. Rassemblement. Le mot église, vous savez ce que ça veut dire? C'est la même chose, c'est un synonyme. Ça veut dire rassemblement. Hein? Ecclesia et synagogue, ce sont deux mots grecs qui veulent dire la même chose. Simplement, les chrétiens ont arrêté de parler de synagogue pour se distinguer justement des juifs, pour pas qu'on se trompe. On se retrouve à la synagogue. Chrétienne, à l'Ecclésia. Ok, oui, d'accord, c'est bon, compris. Donc, et voilà, vous avez compris, donc le mot église vient de la synagogue. Alors, je détaille pas la manière dont est faite une synagogue, mais globalement, vous avez une synagogue qui est toujours orientée vers Jérusalem. Vous avez toujours un sens pour la synagogue, orientée vers Jérusalem. On prie vers le temple. Une synagogue, il y a deux grandes parties. Il y a la partie du peuple, toujours tournée vers le temple, et puis vous avez comme une copie du temple, hein, vous avez le sanctuaire. Alors le sanctuaire, il n'y a pas le saint et le saint des saints, il y a le béma, c'est-à-dire l'endroit où on va proclamer la Torah. Le béma. Donc l'ambon, aujourd'hui, c'est l'ancêtre de l'ambon. On proclame la Torah, donc c'est un lieu très saint. Hein, les rouleaux de la Torah sont déposés sur une table, comme un autel, hein, autel du sanctuaire, une table en bois précieux, en acacia, sur lequel on dépose ces rouleaux, donc les rouleaux très saints, hein, de la Torah, et puis on les prend, on les pose sur le béma et on fait la lecture. N'importe quel homme qui a passé, qui est bar mitzvah, qui est fils de mitzvot, eh bien, qui a passé bar mitzvah, eh bien, il peut lire la Torah. Alors, il lit toujours la tête couverte. Tous les hommes sont levés, tout le monde est levé, les hommes, les femmes séparés, la tête couverte. Et on écoute la Torah après avoir chanté, après avoir fait une grande procession avec le rouleau, hein, et on écoute la Torah. Et c'est un moment très, très solennel. On écoute un passage de la Torah. Alors, la synagogue est orientée, et puis vous avez deux espaces, l'espace pour le peuple et l'espace du sanctuaire. Ben, les églises sont construites exactement pareil. Ce n'est pas une invention des chrétiens. Donc quand on veut faire des églises complètement différentes, avec des trucs biscornus, avec un autel au milieu et tout, ça vient de nulle part. Et donc ça se déconnecte de toute la tradition ancienne qui vient du judaïsme et qui nous est donnée par Dieu. Donc les églises sont orientées. Est-ce qu'on est orienté vers le temple de Jérusalem ? Non, nous on n'est plus orienté vers le temple de Jérusalem. Les églises sont orientées vers l'Orient. C'est d'ailleurs le nom, d'où de là que vient le nom orienté. Elles sont tournées vers l'Orient. Alors, ça, c'est le principe, normalement, sauf que la plupart du temps, elles ne le sont plus, aujourd'hui. Elles sont tournées vers l'Orient. L'Orient, pourquoi ? Parce que c'est le lieu du soleil levant, comme le Christ qui vient, qu'on attend, qui va revenir, le Christ qui doit revenir pour juger la terre et pour renouveler l'univers, qui doit apporter la lumière à notre monde. Donc, on est tourné vers l'Orient et on ne célébrait la messe que le matin, pour vivre justement l'Eucharistie avec la levée du soleil. Le lever du soleil. Aujourd'hui, notre église, elle est occidentée, donc elle est complètement à l'envers. Mais on a conservé l'idée qu'on est tourné vers Dieu. Donc une église, même si elle n'est pas matériellement orientée, ce qui est dommage, on devrait garder cette idée un peu de positionnement aussi dans le cosmos, dans l'univers, hein, en attendant la venue du Seigneur, eh bien, on a toujours besoin, notre humanité, c'est Benoît XVI qui disait ça, hein, que bien sûr Dieu est partout, mais nous sommes incarnés, Dieu n'a pas de corps, donc il peut être partout. Nous avons un corps, et notre condition d'homme fait que notre corps doit participer à notre prière, à l'action de notre esprit. Si notre esprit veut se tourner vers Dieu, il faut que notre corps fasse un geste, soit dans une position qui aide l'esprit à se tourner vers Dieu. Donc il faut que nos églises soient orientées, qu'il y ait une orientation dans nos églises. Donc c'est pareil, vous voyez, on est tous tournés vers le fond de l'église où est représenté Jésus, là, pour nous, mais où, très vite, vous voyez, dans les premières églises, on a creusé un trou dans lequel on mettait un vitrail en forme de croix pour que justement, quand le soleil se lève, on voit le soleil entrer dans l'église, hein, comme dans beaucoup, beaucoup d'églises, vous avez ça. On voit ça très bien dans plein d'endroits. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose, enfin ça c'est une chose aussi, dans nos églises, eh bien, elles sont orientées. Et ils ont plusieurs espaces, donc il y a l'espace de la nef, le vaisseau où tout le monde se tient, et puis il y a le sanctuaire avec les marches, donc les degrés qui mènent vers l'autel. Et donc, vous voyez, dans notre église, ce n'est pas uniquement le temple, c'est aussi la synagogue. Et puis, bien sûr, le troisième endroit où on prie chez les juifs, c'est la maison, C'est là qu'on va vivre le Shabbat. Le plus, c'est là qu'on vit le grand repas du Shabbat. C'est là aussi qu'on va vivre le repas de Pessah, de Pâques. La Pâque juive, qui rappelle la traversée, la traversée des Hébreux, la fuite d'Égypte vers le désert du Sinaï, où on va rester 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Donc, à la maison, on prie tout le temps. C'est du juif. Tout est prière. Tout. Mais vous avez plusieurs prières particulières. La prière du matin, la prière du soir, où on prie la fameuse prière qu'on reprit d'ailleurs très souvent à la synagogue. On appelle le Shema. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Echad, ça veut dire il est un. Alors, Shema, ça veut dire écoute. Donc les Hébreux, les Juifs, en permanence, ils se rappellent ça. Écoute, Shema Israël, Shema. Shema Israël. Écoute, tais-toi, écoute. On ferait bien de se rappeler ça aussi. Quand on entre dans l'église, est-ce qu'on bavarde ou est-ce qu'on écoute ? Shema Israël. Et ça rappelle aussi surtout l'unicité de Dieu. Le Seigneur est notre Dieu, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai, Dieu, Adonai, est un. Il est unique, il n'y en a qu'un seul. Hein, c'est vraiment l'identité de la prière d'Israël. Et puis après, on rappelle les commandements de Dieu, hein, ce qu'il nous a donné. Voilà, ça, c'est inscrit à l'entrée de la maison. Vous savez, devant les maisons des Juifs, vous avez toujours un petit parchemin, hein, qui est posé à l'entrée, qu'on appelle la mezouza, qu'on touche, voyez, on touche et on embrasse sa main, après avoir touché la mezouza, en entrant et en sortant de la maison. Les Juifs aussi, quand ils prient, ils ont ce qu'on appelle des téphilines, ce sont des petites boîtes qu'ils mettent sur le cœur, sur la tête, et avec des lanières, hein, qui s'enroule un peu partout, jusque dans le bras, hein, parce que ça fait partie de la prière de Shema, où on dit, voilà, tu écriras ces paroles, elles seront dans ton esprit, sur ton cœur, tu les garderas toujours avec toi, quand tu te lèves, quand tu es couché, etc. Donc ça, c'est la prière qu'on récite tout le temps. Le prêtre, eh bien, quand il s'habille, il met un voile sur sa tête, qu'on appelle un amict, avant la messe, un amict, qu'il pose sur sa tête, et ensuite il fait descendre sur ses épaules, donc ça vous rappelle ce voile des Juifs qu'ils mettent, et puis il y a des lanières qu'il enroule autour de lui, voilà, et il se lie comme ça autour du cœur. Ça rappelle les téphilines des Juifs. Voilà, bon, j'ai plein de choses à vous dire encore. On s'arrête là pour aujourd'hui. Hein ? Ça fait déjà pas mal de choses. Hein ? À se souvenir pour la prochaine messe. Tout ça. Vous voyez, vous ne verrez plus l'église de la même manière. On va dans une synagogue. Synagogue chrétienne. C'est vrai, hein ? Synagogue chrétienne où on accomplit tout ce qui était en germe chez les Juifs. Alors si, quand même, je vais vous dire juste une petite chose par rapport aux Juifs. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font quand ils écoutent la Torah ? Quand ils viennent, quand ils prient, ils se couvrent la tête, toujours, ils mettent toujours la kippa sur la tête. Et puis au moment de la Torah, ils posent ce voile, le talit, voilà, j'avais plus le nom, le talit, ce voile avec des franges qui rappelle les téphilines. Bon, ils posent ça sur leur tête. Quand ils vont proclamer la Torah, ils mettent les téphilines comme ça tout autour. Hein, ils montent avec les téphilines, avec le talit sur la tête, et ils se couvrent quand Dieu parle. Ça, c'est aussi, ils font ça parce que Moïse, lorsqu'il sortait de du temple, et quand il est vraiment dans la présence de Dieu, que Dieu lui parle, il est tout transfiguré, donc il se voile le visage. Parce que quand il sort du temple, de la tente où il rencontre Dieu, on ne peut plus regarder son visage, il est tellement lumineux que donc il se voile pour pas que les gens le regardent bizarrement. Il garde les yeux voilés, le visage voilé. Eh bien, vous voyez, nous, les chrétiens, les prêtres, vous voyez, font exactement l'inverse. On met le voile sur la tête. Alors il y a une tradition qui veut même que, normalement, on doit garder le voile, donc notre amicte, pendant toute la messe, sauf au moment où on lit l'évangile, on le retire, on le met sur les épaules, et au moment où on célèbre l'Eucharistie. Vous voyez ? Eh bien, c'est bien pour montrer l'opposition entre justement le judaïsme et le christianisme. Lorsqu'on rencontre le Christ, on n'a plus besoin du voile. On se convertit et on entre, on reçoit l'Esprit Saint qui nous permet de regarder Dieu face à face, d'écouter Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui nous parle. On n'a plus besoin de se cacher derrière un voile. Nous, les chrétiens, c'est le contraire. Quand on prie, on se découvre. Les juifs se couvrent. Nous, on se découvre. On enlève le chapeau, on entre dans l'église, on enlève le chapeau. Alors, regardez ce que dit saint Paul aux Corinthiens. Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce rayonnement passager. Mais leurs pensées se sont endurcies. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Il n'est pas retiré, car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Et aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Pas seulement la tête, mais le cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Voilà. C'est beau, hein ? C'est saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit ça pour bien nous faire comprendre, voyez, nous, grâce à Jésus, en fait, tout est clair avec Jésus. Tout s'éclaire, tout l'Ancien Testament s'éclaire. On entre dans une lumière toute nouvelle. On se convertit, on entre dans une lumière toute nouvelle. Et je peux vous dire, j'ai rencontré des Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui disent ça. Quand on rencontre Jésus, quand on découvre la personne vraiment de Jésus, mais tout s'éclaire. Mais vous ne savez pas la chance que vous avez de connaître le Christ. Nous, on le cherche dans la Torah, on le cherche dans les livres de Moïse, mais on ne trouve pas. Quand on l'a rencontré, alors là, tout s'éclaire. Toute la Torah s'éclaire. Alors, vous voyez, l'église, la messe, c'est la synagogue, mais accomplie avec la lumière de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.